On va te mettre à genoux. La tête derrière, on va te mettre à genoux. Tu vas courir à ta mère, tu vas courir à ta mère. On va te mettre à genoux. Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nike à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupie. Sipi du check dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. Sipi du check dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Du sale, ils ont demandé. Oh, ils ont réclamé. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Higo, je vais les violenter. Oh, allez, tire fils de tape, on te crape pas les balles. La protection est dans la bague. Faut que les feux, que les porcs rois, bas les rats. Pantalon, balle, main, Higo, je m'en bats les reins. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les vrais? Les mecs qui maîtrisent le terre-terre. C'est rempli de strass, rempli de biatch. À ma table, il n'y a plus de place. Remets des glaçons dans mon fer. J'fume ma dobi, go, j'suis fer. J'suis dans le trafic de stupides putes. Je fais des pompes pendant l'hiver, putain. On finira prince de la ville. C'est ce qu'on disait. Amenez-moi à Brazzaville. Putain. Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nike à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupie. Sipi du chak dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. Sipi du chak dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Du sale, ils ont demandé. Oh, ils ont réclamé. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Higo, je vais les violenter. On va te mettre à genoux si t'as merdé. Les vies court couronne gros RERD. Ce gars là m'énerve, j'aime pas sa guendée. Il m'a zioté de trop donc je l'ai tarté. Et si ça pète, vaut mieux que vous partez. J'ai des contacts chez le Pacatou. Chez nous c'est le Banks, gros dans le cartel. C'est pas des cahiers dans le sac à dos. Il ne soit pas de taille. Paco cocaté. Ne joue pas les racailles. C'est que je vais pas te lâcher. Tous les jours quand je compte la maille. Je rigole après. Bye bye bye bye bye. On va te mettre à genoux si t'as merdé. Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nike à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupie. Sipine du chak dans la piscine. Nouvelle gestuelle, je fais des loopings. Sipine du chak dans la piscine. Le négro est deep comme à Brooklyn. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Du sale, ils ont demandé. Oh, ils ont réclamé. Charlie Delta Commando. Oh Delta Commando. Higo, je vais les violenter. Oh, oh Delta Commando. Oh Delta Commando. Oh ils ont réclamé. Oh Kobo Maye. Ma pétasse veut changer de country. Les keufs et les fils qui m'ont tout pris. Mon fils veut des Nike à tout prix. Je dois faire augmenter mon taux de groupie. J'suis chez Ibra 50k. Game over.